J'ai maintenant 14 ans d'expérience dans la défense, promotion et protection des droits humains. Et les droits des personnes marginalisées et vulnérables me préoccupent énormément. Parce que nous devons vivre un monde juste où chacun jouit pleinement de ses droits. Et là, mon travail de chaque jour est focalisé sur le monitoring des violations des droits humains, les plaidoyers et l'accompagnement des victimes, l'éducation aux droits humains, les suivis des propositions et ou projets de loi au Parlement, pour me rassurer que les lois votées par les parlementaires tiennent en compte les droits de la personne humaine, étant donné qu'on ne vote pas une loi contre le peuple, mais pour le peuple. À cela s'ajoute l'aspect lié à l'accès à la justice. Les personnes vulnérables, les personnes marginalisées, les personnes oubliées n'ont pas souvent accès à la justice suite à leur pauvreté extrême. Et donc, je me bats pour que ces personnes-là puissent accéder à la justice de manière équitable et pour que leurs droits soient aussi respectés, qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits. Qu'ils puissent vivre dignement et sans, et cela nous amènera à vivre un monde juste, un monde sans discrimination.